tête. Je veux pas d'histoire. Faut pas me chercher, yeah, yeah, yeah. J'ai rien demandé. Je veux qu'on me foute la paix. Tranquillité. Yeah, yeah, yeah, yeah. Laissez-moi la liberté d'être un peu oublié. Tranquillité. Tranquillité. Tranquillité. Tranquillité. La tête sur la